Hola, hola, on est toujours sur Radio Cayenne, c'est Ninkasi à l'antenne. Et ce soir, j'ai envie de vous parler d'une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Cynthia Brown, qui est emprisonnée, incarcérée actuellement dans l'état du Tennessee, aux États-Unis, et qui sera libérée en août 2019 de cette année. Alors, Cynthia Brown, c'est quoi? Pourquoi elle a été incarcérée et c'est quoi son histoire? Alors, en août 2004, Cynthia Brown, américaine de 16 ans, tue un de ses clients. Prostituée de force depuis plusieurs années par un proxénète surnommé Cutthroat, en français coupe-gorge, elle l'enrichissait via son activité forcée de travailler du sexe qui servait principalement à financer ses achats en cocaïne. Un soir, Cynthia, refusant de se faire exploiter, tue un de ses clients imposés alors qu'il tente de la violer. Condamnée depuis à la réclusion à perpétuité, Cynthia est emprisonnée depuis 13 ans déjà, après avoir été jugée en tant que majeure à 18 ans, alors qu'elle était mineure, qu'elle avait 16 ans au moment des faits. Le jury a rejeté en fait le principe de légitime défense, sous prétexte que Cynthia avait volé de l'argent et une arme à, comment dire, son client forcé. Ce qui pouvait en fait, qualifiant du coup l'acte de prémédité à cause de ce vol. Et il est notable de parler en fait d'un truc qui s'est passé depuis au Tennessee, c'est-à-dire que depuis la loi au Tennessee a changé et les victimes de trafic sexuel, si elles ont moins de 18 ans, sont considérées systématiquement comme des victimes. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2011, je crois, il y a eu un documentaire qui a été réalisé sur l'histoire de cette jeune femme qui a fait parler d'elle. Et plus récemment encore, une pétition a circulé pour sa libération, qui a recueilli plus de 300 000 signatures, notamment de personnalités assez inattendues comme Kim Kardashian et Kanye West, qui ont pris sa défense. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'elle a été amnistiée par le gouverneur du Tennessee et sera libérée au début du mois d'août 2019. Voilà, c'était la bonne nouvelle big up du jour. On vous passe un petit peu de musique et ensuite on va enchaîner avec notre rubrique Algorithme à la con et compagnie. En vrac, Pôle emploi, données Android transmises à Facebook, ainsi que flicage des smartphones à la Fête des Lumières à Lyon. Tout de suite sur Radio Cayenne. Entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous. Des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité. Poiscaille charcutable, taillable et malléable. Et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonnes pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé, croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça rien, on observe de près, de loin, les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage, d'intégrisme, d'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire à coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclaré, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. L'extérieur est